إن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري رحمة الله عليه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme cela a été rapporté par Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu dans le recueil de l'imam al-Bukhari, il y a deux bienfaits. Il y a deux bienfaits à propos desquels beaucoup de gens sont perdants: la santé et le fait d'avoir du temps. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne connaissent pas la valeur de ces deux bienfaits. Ils ne connaissent pas la valeur de la santé. Ils ne réalisent pas la valeur du temps libre. Ainsi, ils n'en profitent pas pour accomplir les bonnes actions dont ils ont besoin, dont ils auront besoin dans l'au-delà. Et lorsque ces bienfaits diminuent ou disparaissent, voici qu'ils les regrettent. Voici qu'ils les regrettent. Donc nous répétons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ni'matani marbounun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal farah. Deux bienfaits au sujet desquels beaucoup de gens sont perdants: la santé et le temps libre. La santé et le temps libre. La plupart des gens n'utilisent pas leur santé, à bon escient n'utilisent pas leur temps libre, à bon escient, comme l'a expliqué Ibn Baz rahimahullahu ta'ala dans l'explication de ce hadith. Et nous vivons des jours éprouvants et difficiles, car il y a, comme vous le savez tous, cette épidémie. Il y a, comme vous le savez tous, le coronavirus, qu'Allah nous en préserve, qu'il soigne nos malades et qu'il ôte de l'ensemble cette épreuve afin que nous puissions retourner à nos mosquées, retourner à l'apprentissage et l'enseignement de la science, aux assises de rappel, à la visite fraternelle ainsi que des proches. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le temps, ikhwan al-kiram, le temps est la chose la plus précieuse. Et dans cette période d'épreuve, les autorités ont ordonné à l'ensemble de rester dans les foyers. Et ceci a donné naissance à des besoins, a donné naissance à de nombreuses interrogations et de nombreuses questions. Ainsi, celui qui souhaite le bien pour sa personne et ses proches doit se poser cette question: kayfa ujrilu waqti fi hadhihi al-fatra, comment vais-je occuper mon temps, comment vais-je occuper mon temps durant ce confinement dans les foyers, que vais-je devoir faire afin d'être gagnant dans cette épreuve, que vais-je devoir faire afin de ne pas perdre et entrer dans la majeure partie des gens mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant perdante. Et pour répondre à cette question, je vais énoncer plusieurs points. Le premier est de savoir la sagesse, la cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés. Il nous dit dans Surat al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعَبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé et t'a créé pour cette sagesse la plus noble, la plus grande, la plus importante, qui est de concrétiser son adoration et ce d'un culte sincère. Il nous dit également dans Surat al-Talaq, الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous enseigner la sagesse pour laquelle il nous a créé, il nous dit, sur la traduction des sens, il nous dit également sur la traduction des sens de ce verset, Allah qui a créé sept cieux et autant de terres, entre eux, le commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent, parfaitement capable, et qu'Allah a embrassé toute chose de son savoir. Donc, on doit connaître Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir l'adorer seul d'un culte sincère. Et c'est la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Allah, notre Seigneur, notre Maître sage, ne nous a pas créés en vain. Et il ne nous a pas laissés errants, sans nous donner d'ordre ni d'interdit, sans révélation, sans orientation, sans messager envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala est le sage. Allah subhanahu wa ta'ala est al-barr, al-rahim, al-ra'ouf. C'est le bienfaisant, subhanahu wa ta'ala, celui qui a pitié envers ses serviteurs. Ainsi, il nous a créés et nous a donné tous les éléments et toutes les choses nécessaires à notre réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc créés pour cette grande sagesse, ikhwan il-kiram, mes chers frères, qui n'est autre que de le connaître pour l'adorer seul d'un culte sincère. Et cette adoration, sans aucun doute, a lieu dans le temps, a lieu dans les secondes, dans les minutes, dans les heures, dans les jours, les semaines, les mois, les années, et le tout additionné est en réalité notre vie, Et à 4 mois, dans le ventre de la mère, Allah Azza wa Jal envoie l'ange pour inscrire à chacun le temps qu'il vivra, Donc en réalité, nous ne sommes que des secondes, que des minutes, que des jours, des mois, des années. Et pour certains, ils n'atteindront même pas cela. Wallahu al-musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc le temps est la chose la plus précieuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. À travers ce temps, tu vas pouvoir concrétiser la sagesse pour laquelle Allah t'a créé. À travers ce temps, tu vas pouvoir l'adorer, te rapprocher de lui, rechercher son agrément, t'éloigner de son courroux, de son châtiment. À travers le temps, tu vas pouvoir te repentir, regretter tes péchés, les délaisser, te réformer et te corriger. À travers le temps ou dans le temps, tu vas pouvoir accomplir la prière, t'acquitter de la zakat, tu vas pouvoir jeûner, tu vas pouvoir accomplir l'Amra, accomplir l'Hajj. Tu vas pouvoir lier les liens de parenté. Tu vas pouvoir éduquer ta famille. Tu vas pouvoir apprendre la science, la mettre en pratique, la propager. Tu vas pouvoir concrétiser l'endurance et beaucoup d'autres actions aimées chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le temps est une chose très, très précieuse. Allah subhanahu wa ta'ala a vanté, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part de cette grande grâce, c'est-à-dire le temps. Allah subhanahu wa ta'ala informe dans le meilleur de ses livres révélés qu'il nous a fait don de ce grand bienfait, le temps, la succession du jour et de la nuit. Il nous dit dans son livre, subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan wan-nawma subata wa ja'ala an-nahara nushura. Et c'est lui qui vous fit de la nuit un vêtement, du sommeil un repos, et qui fit du jour un retour à la vie active. Il nous dit également toujours dans sourate Al-Furqan, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Donc le temps est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous faut l'utiliser pour témoigner notre reconnaissance en reconnaissant que tous les bienfaits émanent d'Allah, en utilisant ces bienfaits dans l'adoration d'Allah, en louant Allah subhanahu wa ta'ala avec nos langues pour cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'importance du temps. En jurant par le temps ou certaines de ses parties. Il nous dit wal fajr wa layalin ashr. Il nous dit également wan nahari idha jallaha. Il nous dit également wal layli idha yaghshaha. Tout comme il nous dit wad duha wal layli idha saja. Il nous dit aussi wal asr. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Fajr, dans sourate Al-Duha et d'autres passages du Coran, a juré par certaines parties du temps. Il nous dit sur la traduction des sens du verset, par l'aube et par les dix nuits. Il nous dit encore, et par le jour quand il est clair, et par la nuit quand elle l'enveloppe. Aussi par le jour montant, et par la nuit quand elle couvre tout. Et il nous dit aussi wal asr, par le temps. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'azim. Et il ne jure qu'en mentionnant une chose qui est immense, qui a un grand bénéfice et une grande sagesse. Donc le temps est une chose très précieuse. Nous devons considérer ce temps. Nous devons préserver ce temps et savoir que si on l'utilise à bon escient, il sera la cause de grands biens dans notre bas-monde, dans notre tombe et dans notre au-delà. Et dans le cas contraire, qu'Allah nous en préserve, il sera la cause de grands regrets, le jour où les regrets ne seront d'aucune utilité. Et à partir du moment où tu comprends que le temps, en réalité, c'est ta vie. Qu'à travers le temps, tu peux revenir vers Allah. À travers le temps, tu peux prendre tes provisions pour rencontrer ton Seigneur et alléger la balance des péchés. Tu comprends alors qu'il te faut organiser ton temps. Il te faut organiser ton temps et préserver ce temps. Sache que ce temps, sur ce temps, tu seras questionné le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La tazulu qadama bni Adam ou abd hatta yus'ala an khams an umurihi fima afna wa an shababihi fima abla. » Personne, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que personne ne franchira parmi les fils de Adam la place de la résurrection sans qu'il ne soit questionné sur cinq choses. Sur sa vie, dans quoi il l'a passée. Sur sa jeunesse, dans quoi il l'a épuisée. Dans quoi il l'a épuisé. Donc la vie de la personne et particulièrement sa jeunesse, sur cela, nous serons tous interrogés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun de nous connaît la réponse qu'il fournira en regardant comment il occupe son temps depuis qu'il est responsable. Comment est-ce qu'il occupe son temps? Celui qui occupe son temps dans la lecture du Coran, dans la mise en pratique de la prière, dans l'apprentissage de la science, dans sa propagation, par la préservation de sa langue, par l'éloignement des péchés, des injustices, celui-ci répondra une réponse louable. Quant à celui qui passe son temps dans le délaissement de la prière, dans les insultes, le colportage, la médisance, dans les injustices, dans le fait de ne pas dépenser pour la cause d'Allah, celui-ci également sait ce qu'il répondra. Celui qui utilise bien son temps, ça sera pour lui un tremplin vers le paradis. Ça sera pour lui une cause d'entrée au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz. Voilà ce qui vous a été promis. Et cela pour tout homme ou toute personne pleine de repentir et respectueux, c'est-à-dire des prescriptions divines. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous dit, c'est-à-dire qu'il préserve son temps, c'est-à-dire qu'il préserve son temps en faisant ce qui lui est bénéfique et en délaissant ce qui lui est nocif. Certains, parmi les pieux prédécesseurs, ces derniers qui ont compris l'importance du temps, disaient, à l'image de Abdullah ibn Omar, إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ الصَّبَحِ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ الْمَسَاءِ فَلَا تَنْتَذِرِ الْمَسَاءِ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, nous disait: lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin. Et lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir. Et prends de ta santé, de ta bonne santé, pour tes moments, pour les moments où tu seras malade, pour les jours dans lesquels tu seras malade. Et prends de ta vie pour ta mort. C'est-à-dire, lorsque tu arrives au matin, agis comme si tu avais la certitude de décéder en cette soirée, en faisant les bonnes actions que tu aimerais trouver dans ton livre et en te repentant pour effacer les mauvaises actions que tu n'aimerais pas trouver. Ne repousse pas à demain, ne repousse pas à plus tard ce qu'il faut faire. Prends tes provisions pour le voyage et l'acheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Utilise la santé pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Utilise ta vie, ton temps, pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, nous avons la parole de Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il nous dit: Ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmin gharabatish. غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. عبد الله بن مسعود nous dit: je ne regrette pas, ou bien il n'y a rien que je regrette plus que mon regret lorsque le soleil se couche et que je vois un jour de ma vie qui a diminué, mais mes actions qui n'ont pas augmenté. Chaque jour qui passe, alors c'est un bout de moi qui disparaît, Si je n'ai pas augmenté mes actions, si je n'ai pas augmenté mes provisions pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est un jour que je regrette amèrement et terriblement. Nous avons aussi la parole de Abu Bakr ibn Ayyash, rahimahullah, lorsqu'il nous dit: Ahaduhum law saqata minhu dirhamun la dhalla yaqul inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dhahaba dirhami wa huwa dhahaba yawmuh wa la yaqul dhahaba yawmi wa ma amiltu fihi. Il nous dit, rahimahullah, l'un d'entre eux lorsqu'il perd de l'argent, l'un d'entre eux lorsqu'il perd une pièce d'argent, il ne cesse de dire: c'est à Allah que nous appartenons. C'est-à-dire qu'il mentionne l'invocation à dire lors du malheur: j'ai perdu une pièce. Alors que son jour part et disparaît, et il ne dit pas: j'ai perdu un jour, sans avoir agi dans celui-ci. On nous montre ici l'importance du temps, l'importance de nos journées, de nos nuits, et que c'est dans ce temps qu'il nous faut agir et préparer nos provisions. Et voici Hamad ibn Salama, rahimahullah ta'ala, qui nous parle de Sulayman, al-Taymi rahimahullah. Il nous dit: ma ra'ayna Sulayman al-Taymi fi sa'atin yuta'u Allah 'azza wa jalla fiha illa wajadnahu muti'an wa in kana fi sa'ati salatin wajadnahu musalliyan wa in lam takun sa'a wa in lam takun sa'atu salatin wajadnahu imma mutawaddi'an aw 'a'idan marida aw mushayyi'an janazah aw qa'idan fil masjid. فَكُنَّا نَرَى أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يَعْصِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ. Hamad ibn Salama nous dit: jamais je trouvais Sulayman al-Taymi dans une heure à travers laquelle il y a une adoration à accomplir sans qu'il ne soit en train de l'accomplir par obéissance envers Allah. Si c'était l'heure de la prière, alors nous le trouvions en prière. Si ça n'était pas une heure de prière, nous le trouvions soit en train de faire al-wudu, ses ablutions, soit en train de visiter un malade, soit de suivre un cortège funéraire, ou alors assis à la mosquée. On voyait de lui qu'il n'arrivait pas, ou il ne faisait pas partie des gens qui savaient désobéir à Allah Azza wa Jal. Voici la position des pieux prédécesseurs. Voici la considération des pieux prédécesseurs du temps. Comment est-ce que nous considérons, nous, le temps, la succession des jours et de la nuit, la perte d'un jour ou d'une nuit? Quant aux pieux prédécesseurs, écoutez ce qu'ils nous disaient. Ibn Adam, innama anta ayyam. فَكُلَّمَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ. Ibn Adam, إِنَّكَ لَمْ تَزَلْ فِي هَدْمِ عُمُرِكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ. On rapporte de certains pieux prédécesseurs cette belle parole. Ô fils de Adam, tu n'es qu'un ensemble de jours. À chaque fois qu'un jour passe, c'est une partie de toi qui disparaît. À chaque fois qu'un jour passe, c'est une partie de toi qui s'éteint. Ô fils de Adam, tu ne cesses de détruire des parts de ta vie depuis le jour où ta mère t'a mis au monde. C'est-à-dire que tu n'es que l'assemblement de secondes, de minutes, de jours et d'années. Et chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui s'éteint et qui meurt. En effet, les secondes viennent détruire les minutes. Les minutes viennent détruire les heures. Les heures détruisent les jours. Les jours détruisent les mois. Et les mois détruisent l'année. Et le tout vient manger et grappiller de ta vie jusqu'au jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a su et a décrété la mort pour chacun d'entre nous. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Toute âme goûtera à la mort, puis c'est vers nous que se fera votre retour. Vers nous, c'est-à-dire vers Allah. Et le nous ici, ce n'est pas le nous de la pluralité, mais c'est le nous de l'immensification. C'est pour immensifier Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le trouve dans la langue française ancienne également. Donc, on doit considérer ce temps. On doit immensifier ce temps. Les pieux prédécesseurs voyaient le temps comme une page blanche, pure. Et c'est le serviteur qui remplit cette page. S'il veut, il la laisse blanche, pure. S'il veut, la remplit de péchés. S'il veut, la remplit de bonnes actions. Yahya ibn Mu'adh disait, « Al-layl tawil, fala tuqassirhu bimanamik, wa an-naharu naqi, fala tadussu, fala tadussa bi'athamik. » Yahya ibn Mu'adh nous disait, « La nuit est longue, ne la raccourcis pas davantage par le sommeil. » C'est-à-dire, ne passe pas toute la nuit à prier, mais prends une part de ta nuit pour invoquer Allah, pour prier, pour te repentir, pour lui demander. Quant à la journée, elle est pure. Ne l'entache pas par tes péchés. Les pieux prédécesseurs étaient les gens les plus généreux. Les pieux prédécesseurs étaient les gens les plus généreux. Néanmoins, ils étaient les personnes les plus avares avec leur temps. Les plus protecteurs, disons, avec leur temps. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, nous dit « Adraktu aqwaman kana ahadu mashaha ala umurihi minhu ala dirhami » J'ai rencontré des gens qui étaient plus avares avec le temps de leur vie qu'ils ne l'étaient avec leur argent. Et un homme a dit à Amir ibn Abd al-Qais, « Qif ukallimuk, qala amsik al-shams. » Un homme a dit à Amir ibn Abd al-Qais, « Arrête-toi afin que je m'entretienne avec toi, afin que je te parle. » Il lui a dit, « Arrête le soleil. » C'est-à-dire, si tu arrives à interrompre le temps, alors je pourrais m'arrêter. Il lui montre ici l'importance du temps. C'est comme si le temps nous appelait chaque jour, afin qu'on l'utilise à bon escient. Car il se peut que ce soit le dernier jour, et il se peut que ce soit la dernière nuit. L'imam Shafi'i, rahimahullah, divisait son temps en trois, sa nuit en trois. Le premier tiers pour étudier et écrire, le second pour prier, le troisième pour dormir. Quant à l'imam Ahmed, depuis sa tendre enfance, il se préparait avant le Fajr pour sortir, aller dans les assises de science, aller prier à la mosquée, aller apprendre la science, et sa mère, par miséricorde, le retenait jusqu'au Fajr. Les pieux prédécesseurs détestaient les gens inactifs. Abdullah ibn Saoud nous dit « Inni la akrahu rajula arahu farigan, la fi mahalli, la fi amali dunya wa la fi amali l'akhira. » Je déteste voir l'homme inactif, ni il contribue à ses affaires de son bas-monde, ni il contribue à ses affaires de l'au-delà. Certains parmi les pieux prédécesseurs utilisaient leur temps, même durant leur dernier souffle. Même durant leur dernier souffle, subhanallah. L'un d'entre eux visite son père dans ses derniers instants. Il le trouve, ou plutôt certains ont visité un homme dans ses derniers moments de vie. Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait, subhanallah. Alors ils l'ont blâmé, car il était sévèrement malade, il était très malade et en fin de vie. Et lui a répondu, « Al-an, tutwa sahifati. » Il leur a dit, « C'est maintenant qu'on va plier mes feuillets. » C'est-à-dire, je ne pourrai plus agir par la suite. Et Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, nous dit, que la nuit et le jour sont deux récipients. Que chacun d'entre vous regarde ce qu'il met dans ses récipients. Et tout comme les hommes, chez les pieux prédécesseurs, avaient une haute détermination pour remplir leur temps de bien, c'était également le cas chez les femmes. Voici notre mère, Aïcha radiallahu anha, qui chaque matin prie salat duha en 8 raka'at et nous dit que pour rien au monde, elle ne délaisserait cette prière. Les épouses du prophète alayhi salat wa salam, après avoir entendu le hadith sur rawatib, sur les prières recommandées avant et après les prières obligatoires, n'ont plus jamais délaissé ces 10 unités de prière. 2 unités avant l'obligation du fajr, qu'on appelle aussi as-subh. 2 unités avant le fajr, 2 unités avant le dhuhr et 2 après. 2 unités après le maghrib et 2 unités après l'aïcha. Certains, après avoir entendu ce hadith, n'ont plus jamais délaissé cette bonne œuvre. Tout cela pour avoir cette régularité, tout cela pour remplir son temps dans le bien. Et pour finir, celui qui veut réussir à préserver son temps, la recommandation que je m'adresse à moi-même ainsi qu'à lui, c'est de se faire un programme journalier. Du réveil au coucher. Du coucher au réveil. Du réveil, il commence par dhikrullah, alhamdulillah, il loue Allah. Il commence par mentionner la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui lui a donné la vie après l'avoir fait mourir durant ce sommeil. Et il se rappelle que viendra un jour où il va revenir vers Allah. Il dit donc ce que disait le prophète alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah illadhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Il se réveille, il utilisait siwa comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit l'invocation. Il se lave les mains à 3 reprises avant de mettre sa main dans le récipient pour faire le wudu. S'il entre aux toilettes, il fait l'invocation avant d'y entrer. L'invocation en sortant. Il prie. Naam. Il fait sa prière. Après la prière, il fait ses invocations. Après ses invocations, il prononce ses invocations d'avant le matin. Ainsi, il sera sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce jour. Et il lui faut donc avoir un livre où il y a les invocations. Comme Al-Kalim al-Tayyib d'Ibn Taymiyyah. Ou Sahih al-Adhkar de Sheikh al-Albani, rahmatullahi alayhima. Ou d'autres livres encore. Dans la matinée, il regarde ce qu'il y a comme adoration légiférée. Comme le fait de lire le Coran. Comme le fait de prier Salat al-Duha. Comme le fait d'invoquer Allah. Comme le fait de dire Subhanallahi wa bihamdi 100 fois. Comme le fait de dire « La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahu al-mulk, wa lahu al-hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shayin qadir » 100 fois. Il faudra vérifier s'il y a yuhyi wa yumit et beaucoup d'autres bonnes œuvres. Aussi, il s'occupe de ses besoins de ce bas monde, comme le fait de manger, comme le fait de boire, comme le fait de s'occuper de ses proches, comme le fait d'enseigner à ses enfants, comme le fait de faire réviser sa famille, comme le fait d'être au service de ses proches. Aussi, il prend une part de repos. Il fait l'adhan. Il prie, il ne s'empêche pas de faire les prières recommandées, même s'il n'est pas à la mosquée. Il fait dua entre l'adhan et l'iqama, même s'il n'est pas à la mosquée. Il s'embellit pour cette prière, même s'il n'est pas à la mosquée. Et pour prier en groupe, il se met lui devant, puis les garçons derrière, puis les femmes après eux. Et s'il prie à deux, et que c'est un homme, alors il se mettra à sa droite. Si c'est une femme, elle se mettra derrière. Et si ce sont des femmes, elles prient ensemble, sans qu'une femme ne s'avance. Mais sur la même ligne, elle se mettra au milieu ou sur le côté. Il utilise également son temps pour chercher la science de l'au-delà, pour apprendre sa religion. Il essaye d'écouter au minimum un cours par jour, voire deux, il se fait un programme pour apprendre sa religion. C'est le moment d'utiliser son temps pour apprendre la langue arabe, pour apprendre à réciter le Coran, pour apprendre sa croyance, pour apprendre la purification et la prière. Après cela, il essaye d'apprendre également des sciences mondaines. Et il utilise les moyens de communication de notre époque dans le bien. Il lui faut aussi prendre des nouvelles de ses proches. Il lui faut aussi prendre des nouvelles de ses proches. Et pour finir, beaucoup ont demandé, nous sommes le vendredi, est-ce qu'il faut mettre en pratique les sunan, les traditions prophétiques, bien qu'il n'y a pas la khutbah du vendredi? Ibn Athaymin et d'autres, rahmatullahi alayhim, disaient, celui qui ne va pas à la prière du Jumu'ah, il ne lui incombe pas certaines sunan comme le ghusl du vendredi, comme le lavage. Comme le lavage. Mais il y a des sunan qui sont attachés au jour du vendredi et non pas à la khutbah du vendredi, comme le fait de beaucoup prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le fait de les réciter sourate al-Kahf, comme le fait qu'il y a un moment où l'invocation n'est jamais rejetée. Beaucoup de savants disent c'est à la dernière heure du Asr avant le Maghrib. Donc on essaye d'utiliser notre temps dans le bien. Et par la grâce d'Allah Azzawajal, il y aura une série de cours qui sera donnée. Notre frère Sadak Abu Yahya wafaqahullah a commencé hier soir. Le cours est enregistré, il sera mis en ligne. Et le site, par la grâce d'Allah Azzawajal, est de nouveau fonctionnel ou le sera très prochainement. Et par la suite, l'application suivra. Bi-idhnillahi Azzawajal. Donc je vous recommande d'écouter chaque soir à 21h la série du cours, de cours de notre frère Sadak Abu Yahya, ce que le coronavirus m'a enseigné ou les leçons à en tirer. Et pour ma part, à partir de dimanche, déjà ce soir, Inch'Allah Ta'ala, après le Maghrib, il y aura cours sur l'explication des noms d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Et à partir de dimanche, je commencerai une série de cours, bi-idhnillahi azza wa jal, afin qu'on essaye de s'entraider dans le bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, wa ta'awanu al birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al ithmi wa al udwan. Pour finir, j'invoque Allah azza wa jal en ma faveur et en la vôtre, ainsi que celle de nos proches. Wa salillahumma wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين إنما أنت الشافي يا رب العالمين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.